chanson bleue, c'est mon testament, mes adieux. C'est mon brassens à moi fleuri, d'accord un peu plus dégarni, d'une voix moi dans l'émotion. C'est moins beau mais c'est ma chanson. Moi vouloir courir pour toujours sur le chemin des troubadours, Brel qui pleure au Walkman des cieux, et moi c'est ma chanson bleue. C'est ma chanson bleue. Et moi, c'est ma chanson grise, c'est tout mon tort, toutes mes valises, sous les yeux des gens fatigués, que je ne vais plus réveiller. C'est ma tête pleine de cheveux, c'est ma chanson bleue. Ma chanson bleue. C'est mes cheveux tout pleins de frise. Moi, c'est ma chanson grise. C'est sa chanson noire qui pue le malheur des boulevards, du French blues que perd le Jonas, du Souchon sans verbe et sans phrase, veut dire tout le malheur du monde. Forestier ce soir à la blonde. Et lui, c'est son papier buvard. Lui, c'est sa chanson noire. Toi et moi c'est la couleur, et toi sans lui c'est mon bonheur. Ni toi ni moi c'est le désert sec qui n'a jamais vu de galère. Ni toi ni lui c'est mon bonheur, mais nous sans toi chanson couleur. Mais nous, sans toi, chanson couleur.